La critique de Kant en deux temps et trois mouvements. La critique de Kant fait peur. Qui n'a pas été saisi d'un petit frisson en classe ou ailleurs devant certains livres de philosophie, et notamment l'un des plus effrayants de tous historiquement pour des générations d'élèves, la critique de la raison pure par Emmanuel Kant. Tout se passe comme si on passait de livres de philosophie pour le public le plus large, les Mille de Jean-Jacques Rousseau et même la Nouvelle Héloïse, les livres de Diderot, de Voltaire au XVIIIe siècle. Et puis tout à coup, voilà que la philosophie deviendrait une science avec Kant, la critique de la raison pure. Pourtant, rien de plus simple que la critique de la raison pure, rien de plus simple que ce livre et les deux autres critiques qui ont suivi, puisque Kant est l'auteur en fait de trois critiques. Et au cœur de la critique, il y a en effet une distinction très simple en deux temps qui est à l'origine de ces trois mouvements. Et donc ça n'est pas seulement une image de dire que on peut tout à fait comprendre la critique de Kant en deux temps et trois mouvements, à condition ensuite, mais comme pour tous les livres, de les lire, les plus simples d'ailleurs en apparence n'étant pas forcément les plus simples en réalité. Quel est donc le geste de Kant? Il est en effet extrêmement simple. Critique de la raison pure. Cette critique de toute prétention à trouver la source de toute la connaissance seulement en nous-mêmes, dans nos facultés, comme si la raison, dans sa pureté, pouvait tout connaître toute seule. Eh bien non, le geste de Kant est en effet extrêmement simple. Pour lui, il y a deux sources de la connaissance, quelle qu'elle soit. Il y a la raison en l'homme qui a quelque chose de pur, qui explique les mathématiques, on le voit aussi dans un instant pour la loi morale, mais il y a autre chose qui est tout simplement la sensibilité, le fait que l'être humain n'est pas un être purement rationnel, mais aussi un être sensible, et que toute connaissance nous provient finalement de nos yeux, de nos mains, de nos pieds, de la sensation du réel finalement, et pas seulement de nous-mêmes. Critique de la raison pure aurait pu aussi d'ailleurs s'appeler critique de l'expérience pure, puisqu'en fait, il faut les deux pour Kant. Il faut toujours les deux. Il faut toujours un peu de sensation et un peu de pensée pour construire un monde humain. Et en tout cas, c'est comme ça pour nous, avec cette idée, effectivement, que les deux doivent être pris ensemble et s'auto-limitent en quelque sorte. Je vais y revenir dans un instant. Mais il suffit, pour le vérifier, de voir que la critique de la raison pure, qui est un livre gros, un peu compliqué malgré tout dans le détail, est construit de manière très simple et toujours par des distinctions. C'est un livre en fait, non pas en trois parties comme on le dit parfois, ce sera Hegel, mais toujours en deux temps. Il y a d'abord les éléments de la raison pure, la connaissance, puis la méthodologie, la mise en œuvre. Il y a l'esthétique, la sensation, puis la logique, la pensée. Et dans l'esthétique, la matière de la sensation et puis la forme qui est dans l'esprit. Et finalement, la matière, le réel, est tout petit au début du livre, mais c'est fondamental, quoi qu'on ne puisse pas en dire grand-chose, puisqu'on est dans le langage. Mais la raison doit donc se limiter. Elle n'est connaissance que quand elle est en contact avec le réel, sinon elle devient délire, ce que Kant appelle la dialectique transcendantale, cette faculté que nous avons de dériver au-delà des limites de notre savoir. Mais d'un autre côté, la raison existe bien, la science aussi. Il faut accepter nos actes pour ce qu'ils sont, avec leurs limites, pas aller trop loin, mais en les assumant pour leur côté universel, et c'est pourquoi il y a la raison dans la connaissance, mais aussi dans la vie humaine. Notre morale n'est pas fait seulement de sentiments, mais aussi de devoirs universels. C'est la grande force de la critique de la raison pratique. Et puis finalement, il y aura aussi la critique de la faculté de juger, qui voit dans nos sentiments aussi, même sans concept, s'exercer une faculté libre de penser dans l'art ou dans la technique, qui dévoile aussi la destination morale et rationnelle des êtres humains.